Chapitre 30e. C'était un système dont le baron s'était toujours bien trouvé de donner, dans des circonstances graves, ses instructions d'une façon assez vague. Il s'en rapportait à l'intelligence de ceux qui l'employaient. Si l'affaire réussissait, il en avait tout le mérite, puisqu'il l'avait inspiré. Si elle échouait, son agent avait toute la responsabilité de cet échec. C'était sa faute, il avait mal compris ce qui lui avait été expliqué. On ne lui avait pas noté le détail. Mais qu'importe le détail pour qui est intelligent. En tout cas, le baron trouvait à ce système l'avantage de ne s'engager qu'autant qu'il lui convenait. Avec Hermann, qu'il avait plus d'une fois employé, il était pleinement tranquille, et il savait que les quelques indications qu'il n'avait pas voulu préciser seraient intelligemment développées. Si Antoine Chamberlain pouvait être poussé à quitter Paris et la France, il le serait sûrement par Hermann, qui s'emploierait avec zèle et dévouement à cette tâche. Depuis longtemps, le baron savait par expérience que ce sont les gens de bonne foi qui peuvent rendre les plus grands services. Hermann avait la foi, il était de plus attaché à Antoine, il agirait sans qu'il fût besoin de le relancer. Il n'y avait donc qu'à attendre avec patience de ce côté. Et du côté de Baillot, il n'y avait aussi qu'à le faire attendre, ce qui d'ailleurs était assez facile, puisque la date du mariage de Carmelita se trouvait retardée par l'accomplissement des formalités légales. Retardé, le mariage n'était pas fait, et Baillot pouvait espérer qu'il ne se ferait pas. Avec quelques mots vagues, prononcés comme par hasard, le baron s'appliqua à faire naître cette idée dans l'esprit du maître de chant de Flavie. « Je n'aime pas les mariages qui traînent. » Si la comtesse Belmonte ne pouvait pas se procurer les actes de décès de son mari, voilà qui serait bizarre. Un avocat me disait tantôt que cela pourrait indéfiniment retarder le mariage de Carmelita. Baillot ne répondait rien, mais l'écoutait avec une curiosité qui en disait long. « Il y a longtemps que vous n'avez vu Mademoiselle Belmonte. Elle n'a plus le temps de travailler. Est-ce bien le temps qu'il faut dire? N'est-ce pas plutôt le goût? Enfin, elle accepte très bien ses retards. » L'œil sombre de Baillot s'éclairait. « Beaucoup mieux que le colonel, qui paraît légèrement exaspéré. Mais il a beau faire, il a beau dire, il est bien obligé de reconnaître que dans une affaire de ce genre, l'argent est impuissant. » Je ne crois pas que le mariage se fasse de si tôt. Travaillons, je vous prie, disait Baillot à son élève. Peut-être pas avant plusieurs mois. Pendant qu'il manœuvrait ainsi, Hermann ne perdait pas le temps, et de son côté, il agissait aussi. Plusieurs fois, le baron l'avait fait venir rue du Colisée, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, mais en réalité, pour savoir exactement, et jour par jour, où en étaient les choses. Tout d'abord, Antoine avait absolument refusé de quitter Paris. On devait l'arrêter? Eh bien, on l'arrêterait. Il ne lui convenait pas de fuir comme un coupable. Mais on lui avait démontré qu'il ne s'agissait pas en cette question de ce qui lui convenait ou ne lui convenait pas. Il fallait avoir souci de ce qui pouvait être utile à la cause et à l'association, rien de plus. L'avis unanime avait été qu'il ne devait pas se laisser arrêter. Antoine avait cédé, mais sur un point, il avait été inébranlable, il attendrait qu'on eût lancé contre lui un ordre d'arrestation. Et si on l'arrête? S'écria le baron, indigné de cette obstination qui dérangeait tout son plan. Car si Antoine se laissait mettre en prison, Thérèse ne quitterait point Paris, et le colonel aurait mille raisons pour la voir souvent. Antoine ne se laissera pas prendre. La police est à droite. Antoine n'est pas un sot. Il fera bonne garde, et on veillera sur lui. Le baron eût voulu qu'Antoine fût moins imprudent, et que, puisqu'il consentait à sortir de France, il partit tout de suite. Mais Hermann lui représenta que cela serait impossible à obtenir. Antoine s'était prononcé nettement sur ce point, et lorsqu'il s'était arrêté à un parti, il n'y avait pas à tenter de l'en faire revenir. Les poursuites commencées, il partirait, puisqu'on croyait utile qu'il partît, mais non avant, car ce serait pour ainsi dire les provoquer. Qui pouvait savoir si le gouvernement oserait les commencer ses poursuites? Il fallut que, bon gré, mal gré, le baron s'en tînt à ce point et qu'il attendit. Il est vrai que cette attente ne fut pas bien longue. 8 jours après que le baron Lazarus avait annoncé à Hermann qu'Antoine Chamberlain devait être prochainement arrêté, un commissaire de police, accompagné de 3 agents en petite tenue et de 6 agents en bourgeois, la canne à la main, se présenta rue de Charonne à 5 heures du matin. La grande porte était fermée. Elle ne s'ouvrit pas aussitôt que la sonnette eût été tirée, et cependant le concierge s'était réveillé. Un agent, qui avait collé son oreille contre la porte, entendit un bruit qui ressemblait à des pas légers courant sur le pavé de la cour. On sonna de nouveau, et plus fort, on frappa à coups de canne. Enfin, le concierge, sans ouvrir la porte, demanda qui était là. On lui répondit par les mots sacramentels « Au nom de la loi, ouvrez !»« C'est bon, » dit-il sans s'émouvoir, « on va vous ouvrir !» Et sans se presser, il rentra dans sa loge pour tirer le cordon. Instantanément, 5 agents se jetèrent dans la cour. Mais elle était sombre et de plus encombrée, comme à l'ordinaire, de ferrailles et de pièces de bois. Ils ne purent pas aller plus loin, il y eut une chute et des jurons. Un agent avait une lanterne sourde, il en ouvrit les volets et la lumière se fit. Sans rien demander au concierge, cet agent, suivi du commissaire de police, se dirigea vers l'escalier qui conduisait au logement d'Antoine. Un agent intima au concierge l'ordre de rentrer dans sa loge et se plaça devant la porte. D'autres agents suivirent leur chef, marchant en évitant autant que possible de faire du bruit. Ils arrivèrent au 4e étage, devant une porte sur laquelle se lisait, gravé dans le bois, « Chamberlain ». Le commissaire frappa, on ne répondit pas. Il frappa de nouveau plus fort, un agent frappa à son tour avec sa canne. Enfin, au bout de plusieurs minutes, on entendit un bruit de pas à l'intérieur. « Qui est là ?» demanda une voix d'homme. « Au nom de la loi, ouvrez !»« Qui me dit que vous n'êtes pas des voleurs ?» répondit une voix goguenarde. « Ça s'est vu !» Les agents se regardèrent et l'un d'eux haussa les épaules en homme qui se dit qu'il n'y a rien à faire. Il fallut parlementer. Gravement, le commissaire déclara qu'il avait un mandat de justice à faire exécuter, ce qui de nouveau provoqua un signe de doute chez les agents. « La justice, on ne lui demande rien, » répondit la même voix goguenarde. « C'est elle qui va te demander quelque chose, mauvais gredin, » dit un agent. « Des sottises, c'est la police, » dit la voix, et presque aussitôt la porte s'ouvrit, tirée par Denisot, qui montra son visage narquois. Derrière lui se tenait Soriol, calme et digne. « De quel droit troublez-vous notre repos ?»« J'ai un mandat d'amener contre Antoine Chamberlain, » dit le commissaire, ouvrant son paletot et montrant son écharpe. « Faites voir, je vous prie, » dit Soriol. Pendant ces quelques paroles qui s'étaient échangées assez rapidement, les agents avaient envahi l'atelier et la cuisine. « Antoine Chamberlain n'est pas ici, » dit Soriol. « Allons donc, on a établi une surveillance. Depuis 3 jours, il n'est pas sorti. Dites qu'il n'est pas rentré. C'est bien, nous allons voir. « Faut-il donner du feu à ces messieurs ?» demanda Denisot. « Ils auront besoin de voir clair. » Comme un agent voulait ouvrir la porte de la chambre de Thérèse, Soriol se plaça devant lui. « C'est la chambre de ma nièce, » dit-il, « et vous n'entrez pas dans la chambre d'une jeune fille, sans doute. »« En voilà des manières, » dit l'agent, et il écarta Soriol. Mais, comme il mettait la main sur la clé, la porte s'ouvrit, tirée du dedans, et Thérèse parut, vêtue d'une robe, passée à la hâte. À ce moment, un agent qui avait disparu revint et, s'adressant au commissaire de police, « L'oiseau a déniché, » dit-il, « je viens de tâter son lit, il est chaud encore. »« Que personne ne bouge, » dit le commissaire, « et qu'on fouille toutes les armoires. » Puis, après avoir placé 2 agents en faction devant la porte, il commença ses recherches. Mais ils n'aboutirent à aucun résultat. On regarda sous les lits, on déplaça les panneaux de bois qui étaient entassés dans l'atelier, on fouilla les combles et les armoires en jetant les habits au milieu de la chambre. On ne trouva pas celui qu'on venait arrêter. « Vous n'y voyez peut-être pas assez clair, » disait Denisot, « si ces messieurs veulent une autre lampe. » Les agents le regardaient de travers, mais ils gardaient sa figure narquoise et ils tournaient autour d'eux en clopinant. Dans sa chambre, cachée derrière son lit, se trouvait un grand placard posé contre la muraille. La clé n'était pas sur la porte. « La clé, » dit un agent en tirant le lit. Denisot prit une figure navrée et leva son bras au ciel avec un geste désolé, un homme désespéré qu'on eût découvert cette cachette. « La clé » balbutia-t-il. « La clé. Je l'ai perdue, je ne sais pas où elle est. Mais il n'y a rien, je vous assure, ma parole. « Voyons, la clé, » répéta l'agent, « et plus vite que ça. » Denisot se fouilla, chercha dans une poche, dans une autre. « Enfoncez la porte, » dit l'agent. En voyant qu'on allait enfoncer cette porte, Denisot se décida, prenant la clé à un clou où elle était accrochée, mais il parut n'avoir pas la force d'ouvrir la porte lui-même. Il tendit la clé à l'agent. La porte fut vivement ouverte et Denisot partit d'un formidable éclat de rire. ce placard, qui était collé contre la muraille, n'avait pas 10 centimètres de profondeur. Il ne renfermait que de vieux habits accrochés à des clous. C'était une nouvelle farce que Denisot s'était amusé à jouer aux agents. « Antoine n'est pas bien gros, » dit-il, « mais c'est égal, il aurait été aplati. Pourquoi n'avez-vous pas voulu me croire? Je vous avais donné ma parole, qu'il n'y avait rien là-dedans. » Ces plaisanteries n'étaient pas très spirituelles, mais telles qu'elles étaient, elles exaspéraient les agents. Il était évident que si ce boiteux plaisantait si tranquillement, cela tenait à ce qu'il savait celui qu'on recherchait en sûreté. Cette jeune fille aussi était trop calme pour craindre quelque chose. Ou la surveillance organisée dans la rue avait été en défaut, ou Antoine Chamberlain était caché ailleurs. Mais il était inutile de le chercher chez lui, où il n'était pas. L'arrestation avait été mal combinée. Pendant tout le temps qu'on avait perdu à se faire ouvrir les portes, celles de la rue comme celles du logement de l'ouvrier, celui-ci avait très bien pu se sauver. On ouvrit les fenêtres, on regarda dans le chéneau, on chercha sur le toit, on ne le trouva pas. Mais un agent remarqua qu'il avait pu par ce toit gagner facilement la maison voisine. Était-il dans cette maison? Était-il au contraire dans un logement de la sienne, réfugié chez un camarade? C'était ce qu'on ne pouvait savoir, mais en tout cas il n'était pas chez lui. Ne pouvant saisir l'homme lui-même, on n'eut pas la consolation de saisir ses papiers. Son pupitre était vide et ne contenait que du papier blanc. Pas le moindre registre, pas la moindre lettre. Pendant qu'on procédait aux dernières recherches, Denisot avait été se placer à la porte et là attendait au port d'armes, fredonnant entre ses dents une chanson dont les paroles arrivaient aux oreilles des agents. « Zut au préfet, mes respects au mouchard, oui, voilà balochard. » Et, quand un agent passait devant lui pour sortir, il le saluait avec la démonstration de la joie la plus respectueuse. « Au revoir, » disait-il, « au plaisir de vous revoir. L'escalier est mauvais. Faites attention à la 73e marche. » Enfin, le dernier agent sortit, Denisot put refermer la porte, et alors il se mit à danser dans l'atelier. « Enfoncez, la police !» Et les copeaux, mêlés à la sciure de bois, soulevés par ses pieds, voltigeaient autour de lui. Mais Sorieul l'arrêta, déclarant cette joie intempestive. « Attends qu'Antoine soit sorti de France. S'ils n'ont pas pu le prendre ici, ils vont le chercher ailleurs. Tu n'aurais pas dû les exaspérer par tes plaisanteries. Je les attendrirai par mes larmes, quand ils viendront vous arrêter, » répondit Denisot, « car on arrêtera tout le monde bientôt. » « Quand aurons-nous des nouvelles de père ? » demanda Thérèse. « Il faut attendre, » répondit Sorieul. Le colonel trouvera moyen de nous faire savoir indirectement ce qui se sera passé. Pourvu que mon cousin soit chez lui. » Une heure environ après que les gens de police eurent quitté la rue de Charonne, un commissaire sonna à la porte de l'hôtel Chamberlain. Malgré l'heure matinale, le concierge voulut bien ouvrir. Mais quand il apprit qu'il s'agissait de porter une lettre à M. Horace et qu'on attendait la réponse, il poussa les hauts cris. « Ce n'est plus seulement le soir, c'est encore le matin maintenant. » « Rentré à minuit, on le relance dès le petit jour, on le tuera !» Cependant, il consentit à faire remettre la lettre, et 10 minutes après, Horace descendit pour dire au commissionnaire qu'il allait porter lui-même la réponse demandée. En effet, il se dirigea vers un petit café de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Là, il trouva Antoine Chamberlain attablé dans un coin et tournant le dos à la lumière. Comme il allait pousser une exclamation, Antoine mit un doigt sur ses lèvres. Alors Horace s'avança discrètement et s'assit en face d'Antoine. « Le colonel est-il chez lui ?» demanda celui-ci. « Oui. Eh bien, je vous prie de l'éveiller et de lui dire de venir me trouver ici. On a voulu m'arrêter pour affaires politiques et j'ai besoin de le voir. Ne l'accompagnez pas. Donnez-lui le numéro de ce café et qu'il ne vienne qu'après avoir fait un détour de peur d'être suivi. » Une demi-heure après, le colonel entra à son tour dans le café et vint s'asseoir à la table de son oncle. Ils se serrèrent la main affectueusement, puis, s'accoudant l'un et l'autre sur la table qui les séparait, ils se mirent à parler à voix basse, de telle sorte que le garçon qui allait çà et là, tournant autour de ces deux consommateurs mystérieux, ne pouvait pas entendre ce qu'ils se disaient. « Eh bien, mon oncle, eh bien, ce que je vous avais annoncé est réalisé. On est venu ce matin pour m'arrêter. Mais j'attendais cette descente de police et j'avais pris mes précautions en conséquence, décidé à ne pas me laisser arrêter. On faisait bonne garde autour de moi, le concierge et des amis. quand la police a frappé à la porte de la cour, on a attendu avant d'ouvrir, et pendant ce temps, on est venu me prévenir. Je ne me suis pas amusé à faire ma barbe. Ce n'est pas la première fois que les agents venaient dans l'atelier des chamberlains, et je n'étais pas le premier de la famille qu'on tentait d'arrêter. Nous avons une route par le toit qui, pour ainsi dire, nous appartient. Notre père l'a suivie, votre père l'a prise en 1831, moi je l'ai employée plusieurs fois. Je suis sorti par la fenêtre. À votre âge, mon oncle. À mon âge, j'ai le pied sûr encore, et surtout quand je sais que les agents montent l'escalier. Et puis Michel avait voulu m'accompagner. Il m'a tendu la main, et le voyage, qui n'est pas long d'ailleurs, s'est heureusement accompli. Pendant qu'on m'attendait rue de Charonne, je suis tranquillement sorti par la rue de la Roquette. J'ai dit adieu à Michel et me voilà. Pourquoi n'êtes-vous pas venu directement chez moi? Par prudence. D'ailleurs, ce n'est pas l'hospitalité que je veux vous demander, c'est plus que cela. Mon intention n'est pas de rester à Paris, où je n'aurai rien à faire présentement. Je veux quitter la France et passer en Allemagne, où j'ai besoin, et je viens vous demander de m'aider à franchir la frontière. Je suis à votre disposition, mon oncle. J'étais sûr de votre réponse, mon neveu, et voilà pourquoi je suis venu à vous. À Paris, je ne suis pas trop maladroit pour manœuvrer, mais au-delà des fortifications, je suis certain que je me ferai prendre tout de suite. Le gendarme me rend timide et bête. Et où voulez-vous aller? En Allemagne, où Thérèse me rejoindra. Mais la route m'est indifférente. Je prendrai celle que vous me conseillerez. Le colonel réfléchit un moment. Ici, nous sommes mal pour combiner notre plan. Nous n'avons pas d'indicateur. Nous allons sortir. Moi, je vais rentrer à l'hôtel par la grande porte. Vous, vous allez prendre la rue de Valois, à cette heure déserte. En longeant le mur de mon jardin, vous apercevrez une petite porte. Elle sera ouverte. Vous la pousserez et vous serez chez moi, où nous pourrons délibérer en paix. Les choses s'accomplirent ainsi, et le résultat de cette délibération tenue tranquillement dans l'appartement du colonel fut qu'Antoine partirait le soir pour Bâle. Seulement, au lieu de prendre le train à Paris, où une surveillance pouvait être organisée, il le prendrait à Nogent. Le colonel l'accompagnerait jusqu'à Bâle. Laissant son oncle dans son appartement où Horace seul le servit, le colonel, pour écarter tous les soupçons, sortit comme il en avait l'habitude. À 11 heures du soir, ils montèrent ensemble en voiture, rue de Valois, et se firent conduire à l'entrée de Nogent, où ils renvoyèrent leur voiture. Ils traversèrent à pied le village et arrivèrent à la gare en temps pour prendre le train d'une heure. Mais le colonel ne demanda pas des billets directs pour Mulhouse ou pour Bâle. Il les prit pour Longueville. À Longueville, il en prit d'autres pour Troyes. À Troyes, d'autres pour Vesoul. À Vesoul, d'autres pour Mulhouse. À Mulhouse, enfin, d'autres pour Bâle. Si on les suivait, il serait bien difficile de se reconnaître dans cette confusion. Mais on ne les suivait point. Ils passèrent la frontière sans difficulté. À Saint-Louis, Antoine crut, il est vrai, qu'on l'examinait avec une attention gênante, mais ce fut une fausse alerte. À Bâle, le colonel embrassa son oncle et le quitta, ayant hâte de revenir à Paris pour rassurer Thérèse. Il eût voulu faire pour elle ce qu'il avait fait pour Antoine, et l'accompagner jusqu'à Bâle pour la remettre aux mains de son père qui l'attendait. Mais il n'osa pas se proposer pour ce voyage, par respect pour Michel, et ce fut Soriol qui dut la conduire. Il se trouva seulement à la gare de l'Est pour lui faire ses adieux avant qu'elle montât en wagon. Michel était là aussi. Ses adieux furent tristes. Elle partait pour l'exil. Quand se reverrait-il? Quelle existence allait-elle mener? Antoine, il est vrai, lui avait dit et répété qu'il ne resterait pas longtemps en Allemagne et qu'il rentrerait quand l'Empire serait renversé, ce qui devait arriver prochainement. Mais c'étaient là les paroles d'un fanatique qui croyait naïvement ce qu'il espérait. Comme il témoignait ses craintes à Soriol, tandis que Michel entretenait Thérèse. « Soyez sûr que l'Empire n'en a pas pour longtemps, » dit Soriol. « Avec ma brochure, je lui ai porté un coup dont il ne se relèvera pas. »